إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله سنتحدث اليوم عن الحدث الذي حصل الأسبوع الماضي في التفجير في باريس هذا الحادث الإجرامي الإرهابي الذي حصل وقد وجه السؤال للشيخ الوالد عبيد الجابري حفظه الله عن الأحداث الإرهابية حصلت في باريس والسؤال هو حفظكم الله ما هو الموقف السلفي من هذه الأعمال الإرهابية وما نصيحتكم للمسلمين في فرنسا وللدعاة السلفيين على وجه الخصوص وجزاكم الله خيرا والجواب أولا ما من صاحب سنة لم تعلق بقلبه شائبة بدعة سواء كان عالما أو طالب علم مؤهل أو طلاب علم دون ذلك أو عامي مجالس للعلماء ولطلابهم إلا وهو ينكر هذه العمليات وما أكثرها ثانيا العقلاء من يهود ونصارى وغيرهم ممن جاوروا المسلمين في بلادهم كلهم يدركون ذلك ويعلمون حتى مسؤولين كبار دول أوروبا وأمريكا وغيرها يطمئنون إلى أهل السنة والجماعة ويطمئنون إلى السلفيين ثالثا بان بما سبق أن هذه العمليات لا يجوز أن تنسب إلى صاحب السنة بل هي من عمل الخوارج غوغائيين وهمج وفوضويين وهؤلاء الفوضويين قد يكونوا رافضة وقد يكونون من الكفار متزينين بزي المسلمين مندسين في رافضة أو في خوارج من المهوسين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم فإن جماعة الإخوان المسلمين هي واحدة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة يجيزون الاستعانة بغير المسلمين على ما يريدون من السياسة فلا يبعد أن تكون هذه العملية نكاية لأهل السنة خاصة وبالمسلمين المقيمين في فرنسا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا حتى يشغبوا على أهل السنة خاصة وختام القول أنصح أبنائنا السلفيين حيث وجدوا في فرنسا خاصة أو في غيرها من دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا الدول غير المسلمة أنصح الخطباء والمدرسين والمحاضرين والإعلاميين الصحفيين المسلمين أن يتفقوا على كلمة سواء وهي إعلان البراءة من هذه العملية وغيرها من العمليات الفوضوية وأهل السنة هم حفظة الوعد والوفاء به أهل السنة هم أهل إنجاز الوعد أهل السنة هم حفاظ الجوار ويصونون كرامة الجار فلا يعتدون له على عرض ولا مال ولا نفس. أهل السنة في إقامتهم في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها من غير البلاد المسلمة يدينون الله بأن بينهم وبين هؤلاء الدول التي أقاموا فيها عهد وميثاق لا يخونونه أبدا. عقلاء هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم يحترمون السلفيين ويطمئنون إلى أهل السنة ويعلمون أن هذا ليس منهم. عباد الله، اعلموا أن الكشف عن ضلال أهل البدع والأهواء والتحذير من مقالاتهم ومذاهبهم واجب في الشريعة الإسلامية. ومن الفرق الضالة عقيدة ومنهجا وفكرا وسلوكا فرقة سلبت عقول بعض الجهال والأغرار والأحداث بشعارات تلهب حماستهم وتحرك عواطفهم وتسلب عقولهم، فرقة كونت لها كيانا أسمته دولة الإسلام في العراق والشام الذي عرف واشتهر لدى الناس بداعش، وداعش اسم جامع للخبث والخبائث وحشوش محتضرة وأوكار قذرة وكيان لمجموعة من الأخلاق والأوباش والأجلاف، أبواق الشر والنفاق وسيوف الفتنة وسرايا إبليس، الغارقين في الغي، البالغين في الغي في البغي، المسترسلين في التجني على الإسلام والتنفير منه والتشويه لسمعته وصورته. حملوا زاعمين لواء الجهاد، فهذا الجهاد عندهم ممارسة قذرة وأفعال مقبوحة وجماع الوحشية والهمجية والعنف والسبي والذبح والقتل والغبر والتفجير والتكفير. غايتهم إثارة الفوضى وإيقاظ الفتنة وتفريق الجماعة وزعزعة الأمن ومحاربة أهل السنة والجماعة ودعم أعداء الملة. ومن عداوتهم للإسلام والمسلمين تفجير المساجد وقتل المصلين في بلاد الإسلام وقتل الأبرياء المعاهدين في بلاد العهد والأمان كما حصل في فرنسا وغيرها. قاتلهم الله أنى يؤفكون. أي باب شر على الإسلام فتحوا وأي ذبح حرام ويحهم ذبحوا وأي دم معصوم قد سفحوا. فاحذروا داعش المارقة أحفاد الصفرية والأزارقة، احذروا خلافة الخوارج المعاصرة أحفاد الراسب وقطري وذو الخويسرة. وما داعش إلا نتيجة الجماعات التكفيرية ورموزها وقياداتها وفكرها، مستميلين من السفهاء والبلهاء والغوغاء. عباد الله، الجهاد ذروة سلام الإسلام، وليس الجهاد عمليات انتحارية عبثية وتفجيرات إجرامية تقتل النفوس المعصومة، وليس الجهاد حركات تمرد وعصيان، وليس الجهاد مظاهرات وثورات غوغائية هادرة، وليس الجهاد أن يتقحم المرء الهلك في حروب الفتنة التي لا راية لها ولا إمام ولا خطام ولا زمام. إن الجهاد أسمى من ذلك كله. وليس الإسلام جماعات وتنظيمات وتكتلات وأحزاب وفرق يوالى عليها ويعاد عليها. الإسلام والجهاد والدعوة رسالة سماوية سامية لا تحمل إلا العدل والرحمة والخير للبشرية، ولكن أعداء الملة أقاموا كنايات إجرامية مثل داعش وما فتئوا يدعمونها ويحركونها لتشويه صورة الإسلام والجهاد وخلخلة البلاد الإسلامية وزعزعة أمنها واستقرارها وإنهاكها بالحروب والصراعات، يقتلون ويحرقون ويفجرون ويسلبون ويعبثون ولنساء المسلمين ويخطفون ويسبون. فاحذروا تلك الجماعات التكفيرية الجهادية، واحذروا الحزبيات والتنظيمات، احذروا الانتماء لها والانضواء تحت رايتها أو مبايعة قادتها ومرشديها ومؤسسيها. احذروا بيعة الخليفة المجهول والنكرة المخبول، ومبايعتهم انحراف وضلال، وطاعتهم إثم وحوب وعصيان. يسعى أعداء السنة إلى إلساق تلك الجماعات الإرهابية بالدعوة السلفية أو الدعوة النقية التي أقامها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما ينسبونها إلى المملكة العربية السعودية وعلمائها ومناهجها، فيقال السلفية الجهادية ويقال داعش الوهابية. إن بلاد المملكة العربية السعودية وعلمائها ومناهجها براء من تلك الجماعات الإرهابية، وإن شذ من شذ، وليس في مناهجها أو فتاوى علمائها كلمة واحدة تبرر تلك الأفعال الإجرامية الخبيثة أو تؤسس لتلك الجماعات الإرهابية البغيضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحان الله، كن يا الله. Et sachez que les actes et les attentats terroristes qui se sont produits le 13 novembre, vendredi passé, sont des actes qui sont en contradiction totale avec les enseignements purs de l'islam et de la charia d'Allah. Et sachez que ces actes sont condamnés par tous les savants de l'islam sur terre, en commençant par les savants d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, les salafiyyin, ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils ont tous émis des fatawas et des paroles pour dénoncer et condamner les actes de terrorisme qui ont eu lieu à Paris, comme ils ont dénoncé et condamné les actes de terrorisme qui ont eu lieu dans les autres lieux auparavant et depuis des années. Et ils n'ont jamais hésité de condamner ce genre d'actes, car elles sont en contradiction avec les enseignements du Coran, de la Sunna, et en contradiction avec les principes et les règles de la charia de l'islam. Et en même temps, ils ont réfuté et condamné les groupes extrémistes terroristes, comme les groupes de Khawarij, de Daesh, et les groupes comme Al-Qaïda, et comme les groupes comme Boko Haram, et les groupes comme Jabhat al-Nusra, et tous les autres groupes qui ont cette idéologie de takfir et de khurouj, et qui rendent licite les attentats terroristes, ou les attentats suicides, ou les choses de ce genre. Tout cela a été expliqué et clarifié par nos savants de l'islam, par les grands ulama de l'islam, en commençant par le Cheikh Abdulaziz ibn Baz, et le Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, et le Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, et le Cheikh Salih al-Fawzan, et le Cheikh Rabi' al-Madkhali, et le Cheikh Salih al-Luhaydan, et le Cheikh Abdullah al-Ghudayyan, et combien d'autres encore, parmi les grands ulama de la Umma qui ont condamné ces actes et qui ont réfuté avec les preuves de la charia les gens qui ont perpétré ce genre d'action. Et maintenant, quand on regarde les conséquences des gestes et des actes de ceux qui ont posé ce genre de massacre et d'actes terroristes terribles, eh bien, on voit les résultats dans les médias, on voit les résultats dans les rues, on voit les gens qui regardent les musulmans avec un regard de haine, on voit les gens qui regardent les musulmans avec un regard de crainte et de peur, on voit et on entend des insultes, des agressions, des attaques, des actes de vandalisme contre les mosquées et contre les musulmans, et on voit toutes sortes de lois et de règles répressives s'installer dans les sociétés non musulmanes à cause de l'action de ces écervelés, de ces égarés et de ces khawarij barbares. Et donc, c'est clair que ces attentats, peu importe qu'elles se produisent dans les pays musulmans, comme ça a été la grande majorité des cas, ou qu'elles se produisent dans les pays non musulmans, qui sont des pays qui ont des traités et des ententes de paix avec les États musulmans, eh bien, il n'y a pas de doute que tous ces actes et ces attentats sont en contradiction avec l'islam et qu'il est du devoir de tous les musulmans de les condamner et de les réfuter et de s'en désavouer. Et que cela n'a rien à voir avec l'islam, ni avec la charia, ni avec le djihad, ni avec la salafia, puisque la salafia, c'est de s'attacher au Coran et à la sunna. Hein, et de suivre l'islam tel qu'elle a été comprise par nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et les tabi'in. Approchez-vous un peu pour faire un peu d'espace. Il est désolant de constater et de voir dans les médias occidentaux et même dans certains médias musulmans qu'on emploie le terme à tort et à travers, c'est-à-dire le terme salafi, et qu'on l'attribue et on l'associe à Daesh, ou qu'on l'associe à Al-Qaïda, ou qu'on l'associe à des individus qui sont sur la voie des Khawarij et qui n'ont rien à voir avec les enseignements des pieux prédécesseurs et de la salafie. On entend des termes comme salafi jihadi qui n'existent pas en réalité, puisque le musulman qui suit la voie des salafs, eh bien, il ne fait pas le takfir sans preuve et il ne justifie pas le djihad lorsqu'il n'est pas fait derrière un dirigeant et qu'il n'est pas déclaré de façon officielle et légitime par le dirigeant d'un état officiel d'un pays musulman. Donc, le djihad que ces khawarij font n'est pas légitime. Et en même temps, donc, il ne peut pas être salafi. Et ceux qui font ce genre de djihad aujourd'hui, ils commencent par faire le takfir des musulmans sans preuve pour des péchés et après ils rendent licite le sang, les biens et l'honneur des musulmans. Et donc ça c'est la méthodologie et la voie des khawarij et de la secte des khawarij et non de la voie des salafs. Donc ils contredisent la voie des salafs sur toute la ligne, dans la croyance et dans l'application. Et donc nous on dit ces gens-là ne sont pas des salafis, ce sont des khawarij. Et la même chose lorsqu'ils disent que par exemple Daesh ont l'idéologie wahhabite. Et ils savent très bien en réalité que lorsqu'ils utilisent ou qu'ils emploient le terme wahhabi pour désigner par exemple l'Arabie Saoudite, eh bien en réalité ils savent très bien que wahhab désigne le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est né en l'an 1800. Hein, ou qui est mort plutôt en l'an 1800, donc ça veut dire plus que 300 ans, et qui était un des savants de l'islam, et qui n'a jamais employé ou utilisé ou justifié le terrorisme d'aucune forme et d'aucune façon. Hein? Et ceux qui ont suivi ces enseignements, qui sont les enseignements du Coran et de la Sunna, de condamner par exemple l'adoration des tombes, et la vénération des saints, hein, et toutes sortes de formes de superstitions et de fausses croyances et de fausses pratiques qui étaient répandues dans les pays musulmans, eh bien le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était contre ça sa da'wah. et non pas un appel au terrorisme. Et la même chose aussi, yani à l'époque, ou bien avant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, à la Mecque, il y avait 4 adhan et 4 iqama à la mosquée Al-Haram à la Mecque. Et il y avait 4 mihrab, un mihrab pour chaque madhab. Et chacun priait la prière obligatoire derrière son imam. Donc 4 jama'ah pour chaque prière. Alors le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi les réformes qu'il a fait, c'est qu'il a dit, peu importe votre madhab, vous priez tous derrière un seul imam. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est des exemples de réformes de ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a ramené. Il n'a jamais appelé les musulmans au terrorisme, ou à attaquer les innocents, ou à tuer des gens qui n'ont pas le droit d'être tués selon la charia de l'islam. Au contraire. Donc ce sont des fausses accusations de la part de ces médias et de la part de ces soi-disant spécialistes qui parlent au nom de l'islam ou qui parlent de l'islam sans aucune vraie connaissance. Il faut savoir que l'origine des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda ou Jabhat al-Nusra ou Boko Haram ou des groupes de ce genre ou Taliban, eh bien en réalité ce n'est pas le salafisme. En réalité, ces gens-là découlent des mouvements soufistes et en même temps ils découlent du groupe des frères musulmans. Et certains spécialistes, parfois, ils parlent du salafisme et ils disent que ça vient des idéologies de Jamaluddin al-Afghani ou de Mohamed Abdo ou de Mohamed Rachid Reda en Égypte et que ce seraient eux les fondateurs du salafisme. Et ça, c'est une fausse compréhension et un mensonge, puisque eux-mêmes n'étaient même pas salafis. Hein? Et ils contredisaient la salafia sur les fondements de la salafia. Et donc, ces gens-là, en réalité, ils accusent ces gens-là et ils prétendent que ceux-là sont les fondateurs de la salafia pour essayer de faire croire aux gens que ceux qui sont venus après eux, qui les ont suivis, ils ont été influencés par les idées des salafis, alors que c'est pas vrai. Approchez-vous encore. Vous savez tous que le fondateur du groupe des frères musulmans, celui qu'on appelle Hassan al-Banna, eh bien il a grandi dans le soufisme et il a donné même l'allégeance à la tariqa soufia al-hissafia al-shadhiliya. Donc toute son éducation est une éducation soufiste. Hein? Et il n'a pas d'influence salafi dans sa aqida ou dans sa méthodologie. Hein? C'est pour ça que la réalité de la voie et la méthodologie que ces gens-là suivaient, comme Hassan al-Banna, eh bien c'est le soufisme et la croyance des Ash'ariyya, les Ash'arites comme on dit en français, et non la salafie. Et c'est lui qui a ramené la notion ou l'idée que, à notre époque, tous les États musulmans qui existent sur terre sont illégitimes et que il faut établir le khilafa, et donc tous les dirigeants et les pays musulmans actuellement sont dans l'égarement et sont sur le kouf. Et c'est Qutb a propagé cette idéologie là c'était un des penseurs et théoriciens du groupe des frères musulmans. Et c'est Qutb, son éducation, c'est une éducation soufiste. Ash'arite aussi, la même chose. Et il n'a pas une éducation salafie, il n'est pas sur la voie des savants salafis, et ses références ne sont pas non plus les références salafies. Et donc, si on regarde, une des plus grandes références des Khawarij aujourd'hui, et des Takfiriyin, eh bien c'est justement ces Qutb et les frères musulmans. Et donc tu vois que ces tendances-là n'ont rien à voir avec la salafia, ou qu'est-ce qu'on appelle, ou qu'est-ce que les médias appellent wahhabia. La même chose avec le groupe des talibans. Le groupe des talibans sont de l'école Diobandia en Inde. Et les Diobandia sont soufistes de la tariqa Jistia et également Maturidi dans la Aqida, sur la même voie que la voie des Asha'ira, et non sur la voie salafi. Et ces groupes, comme par exemple Tablir, et Taliban et Diobandia, eh bien justement ces gens-là, ils ont donné l'allégeance aux Turuq Soufia, à 4 Turuq Soufia, et ils sont fondés sur ça. Donc ils n'ont rien à voir avec la salafia ni avec les enseignements et les références des salafis. De même que le groupe Al-Adl wal-Ihsan au Maroc, hein, qui est fondé par Abdussalam Yassine, eh bien, il est de la tariqa soufia boutchichia, al-Qadiriya. Il n'a rien à voir avec la da'wa salafia. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les médias actuellement? C'est de confondre les gens et de les mélanger. Et de leur faire croire que tout ce qui est islam, tout ce qui a rapport avec l'apparence de la sunna, que c'est salafiste et que c'est des salafis. Et que tous ceux qui font des actes de terrorisme ou de radicalisme ou des actes de violence, ils l'associent au salafisme et à la salafia. Alors que les salafis se désavouent de ça depuis des siècles. Et ça n'a rien à voir avec la salafia ni avec l'islam. Et donc si on regarde les groupes de takfir et de djihad qui existent aujourd'hui, eh bien leur origine, en réalité, ils découlent tous du groupe des frères musulmans, qui est créé par des soufis Asha'ira, et non par des salafis. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces individus-là en Égypte, ils ont été chassés et opprimés, oppressés par le gouvernement égyptien. Le gouvernement saoudien les ont accueillis à bras ouverts, hein, parce qu'ils étaient maltraités, et leur ont donné des postes dans les universités, et ils ont profité de ça pour essayer de faire la propagation de l'idéologie des frères musulmans. Et c'est pour ça que l'on retrouve en Arabie Saoudite beaucoup de jeunes qui ont été influencés par les idéologies des frères musulmans. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont essayé de créer une version saoudienne des frères musulmans qu'on appelle la sururiya. Et ceux qui sont en Arabie Saoudite et qui ont cette idéologie de takfir et de djihad, ils découlent en réalité de ceux qui ont été enseignés par les ikhwan, par les frères musulmans en Arabie Saoudite, et non pas ceux qui ont suivi l'enseignement des ulama de l'islam qui sont là-bas, hein, et des kibar ulama. Donc toutes ces tendances takfir, djihad et tous ces actes de terrorisme aujourd'hui, elles découlent tous du groupe des frères musulmans, les ikhwan al-muslimin et ceux qui les ont suivis. Et les salafis sont innocents de ces groupes et de ces tendances. Et tu vois aujourd'hui certaines mosquées, certains imams, certains responsables des groupes des frères musulmans, quand il y a un attentat, ils disent on se désavoue des attentats, et l'islam n'a rien à voir avec ce genre d'attentats et ce genre de violence. Et pourtant, si tu leur dis pourquoi dans ce cas-là vous ne vous désavouez pas de ces photos, et vous ne vous désavouez pas de ces livres et de ces idéologies et du takfir des musulmans qu'il a fait dans son tafsir Dilal al-Qur'an, eh bien ils refusent de le faire. Donc c'est une contradiction de leur part. Tu ne peux pas dire que tu te désavoues du terrorisme et des idéologies des terroristes aujourd'hui qui se disent musulmans, puis tu fais l'éloge des théoriciens et de ceux qui ont propagé ces idéologies-là dans les pays musulmans et dans le monde musulman au XXe siècle. Et donc ça, c'est pour faire comprendre en réalité la contradiction. Aussi, parfois certains disent que c'est Takfiri, Khawarij, et citent parfois Ibn Taymiyyah et Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Comment ça se fait, hein? Eh bien la réalité, c'est que le fait que certains égarés comme ces Khawarij citent des savants de l'islam, eh bien ils citent également le Coran et la Sunna. Est-ce que parce qu'ils citent des versets du Coran ou parce qu'ils citent des versets de la Sunna, est-ce que ça veut dire qu'ils les citent correctement et dans leur contexte et selon leur sens réel, ou bien ils déforment et ils jouent avec l'essence de la révélation? Eh bien, s'ils sont capables de faire ça avec les textes de la révélation, ils sont encore plus capables de le faire avec les paroles de nos savants qui sont clairs et qui se sont désavoués de ces genres de groupes et de ces genres de sectes et de ces khawarij. Et Ibn Taymiyyah, il est connu pour sa réfutation des khawarij et de tous ces groupes et ces sectes d'égarement. Et le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, la même chose lui aussi, il s'est désavoué des khawarij et il les a réfutés dans plusieurs livres. Et certains également parmi les khawarij, et on va finir avec ça, ils disent pourquoi ou comment ça se fait que, quand il y a des attentats terroristes, eh bien vous vous pressez à condamner et à vous désavouer de ce genre de choses, et pourtant quand il y a des attaques ou des attentats contre les musulmans dans les pays musulmans faits par des non-musulmans, eh bien vous dites rien ou bien vous faites rien. Et la vérité de ça, c'est que on condamne toute agression et toute injustice, peu importe qui l'a fait, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Mais le fait que des non-musulmans fassent des attaques ou tuent des innocents dans les pays musulmans, ce n'est pas une justification et ce n'est pas quelque chose qui doit être utilisé pour justifier les agressions et les actes de terrorisme qui sont perpétrés, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non-musulmans. Et donc on n'a pas le droit d'utiliser ça comme une excuse et comme un prétexte. Et même si un non-musulman allait à la Mecque ou allait dans un autre pays musulman et décidait de se faire exploser ou de tuer des innocents parmi les musulmans, est-ce que ce serait une justification pour qu'on fasse la même chose chez eux? Bien sûr que non. Puisque peu importe qu'est-ce que quelqu'un nous fait, on n'a pas le droit de dépasser les limites de la charia. Et on n'a pas le droit d'agir par pure vengeance, uniquement parce qu'on est en colère puis on veut faire couler le sang. Et l'islam interdit ça. Et l'islam enseigne de ne pas remettre le mal par le mal, mais de remettre le bien. Lorsqu'on nous fait du mal, de le remettre par le bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاد بين المناكب والأقدام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي